Au petit bal des bretelles, ils ont fait une danse nouvelle. J'ai invité mon petit amour, mais ça n'a duré qu'un tour. Trois petits pas, elle est passée de l'autre côté. Trois petits pas, aussitôt elle m'a quitté. Elle s'est retrouvée avec Jules, celui qui était tout comme une mule. Et s'il la regarde, je vous jure, je lui casse la figure. Trois petits pas, elle est passée de l'autre côté. Trois petits pas, aussitôt elle l'a quitté. Puis ce fut le tour de Paul, celui qui est mou des guiboles. S'il la regarde, je vous jure, je lui casse la figure. Trois petits pas, elle est passée de l'autre côté. Trois petits pas, aussitôt elle l'a quitté. Puis ce fut le tour de Jacques, celui qui a les genoux qui claquent. S'il la regarde, je vous jure, je lui casse la figure. Trois petits pas, elle est passée de l'autre côté. Trois petits pas, aussitôt elle l'a quitté. Puis ce fut le tour de Pierre, celui qui crache pas sur la bière. S'il la regarde, je vous jure, je lui casse la figure. Trois petits pas, elle est passée de l'autre côté. Trois petits pas, aussitôt elle l'a quitté. Et elle s'est retrouvée avec Tom, celui qui mange de la gomme. Et s'il la regarde, vous jure, je lui casse la figure. Trois petits pas, elle est passée de l'autre côté. Trois petits pas, aussitôt elle l'a quitté. Puis ce fut le tour de Léon, celui qui perd son pantalon. S'il la regarde, je vous jure, je lui casse la figure. Trois petits pas, elle est passée de l'autre côté. Trois petits pas, aussitôt elle l'a quitté. Puis ce fut le tour de Gustave, celui qui louche et qui bave. Et s'il la regarde, je vous jure, je lui casse la figure. Trois petits pas, elle est passée de l'autre côté. Trois petits pas, aussitôt elle l'a quitté. Puis ce fut le tour de Myrtille, mais qu'est-ce qu'elle fait là cette fille? C'est vrai que dans nos petits bals, ça manque souvent de mal. Trois petits pas, elle est passée de l'autre côté. Trois petits pas, aussitôt elle l'a quitté. Quelle est cette danse légère? Lui demandais-je en colère. Quand elle m'est revenue, elle me répond ingénue. T'énerve pas, ça n'est pas une danse grivoise. T'énerve pas, ça n'est qu'une chapelloise. T'énerve pas, ça n'est pas une danse grivoise. T'énerve pas, ça n'est qu'une chapelloise.